1685, Louis XIV a réussi son pari fou, construire le plus fabuleux palais au monde. Mais le bonheur est de courte durée, car un inavouable secret où se mêlent amour, argent et pouvoir va jeter tout Versailles dans un mortel tourbillon d'intrigues et de trahisons. Le dernier secret de Versailles, le nouveau best-seller de Jean-Michel Rioux, un roman Flammarion. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. En ce moment, à l'affiche du Casino de Paris, un spectacle intitulé « Mistinguette, reine des années folles », spectacle coécrit par le grand spécialiste du musical, Jacques Pessis. Il est l'invité de Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Jacques Pessis va nous raconter « Mistinguette » aussitôt après que je vous l'aurai présenté. Il a bien fallu qu'elle débute un jour, notre Miss Nationale. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Patrick sur les origines du cirque itinérant. Eh bien, bonne question et qui m'intéresse, vous le savez. Ça ne nous éloigne pas tellement du reste de l'univers de Mistinguette, strass, projecteur et poudre à maquiller. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Ne demandez pas son âge à Mistinguette, vous risqueriez d'être mal reçu. Elle a toujours, sur le sujet, tenté de brouiller les pistes. Elle aime jouer avec son âge, elle se rajeunit le plus souvent. Mais il lui est aussi arrivé de se vieillir, on verra dans quelles circonstances. Alors quand on demande l'âge de Mistinguette à son fils, il dit « Je n'en sais rien, si je me permettais de le lui demander, elle me répondrait par une paire de gifles. » Et de son côté, Marcel Achard propose un système imparable pour calculer l'âge de la Miss. Alors écoutez bien, on prend, dit-il, la date de la naissance de Mistinguette, on soustrait le chiffre de lui-même et on brûle ensuite le papier avec lequel on a fait le calcul. Puis on additionne le nombre de lettres que la Miss a reçues pendant les 12 derniers jours, on multiplie ça par le nombre de ses toilettes d'été, on retranche son dernier cachet, on ajoute le nombre de ses mariages vrais ou faux, on enlève 3 mois par enfant et finalement on retranche 10 ans par galanterie. Si l'âge obtenu n'est pas celui qu'a adopté Mistinguette, eh bien, on recommence tout le calcul en commettant de légères erreurs mathématiques jusqu'au moment où l'on aboutit au résultat exact. Ça, c'était la recette donnée par Marcel Achard. Évidemment, les historiens sont moins drôles, il faut bien le dire, ils sont même incurables. Et ils nous apprennent que Jeanne Florentine Bourgeois, alors là, d'un seul coup, on descend de 4 étages, est née le 3 avril 1875 à Enghien-les-Bains, dans le Val d'Oise, chez ses parents. À l'époque, on naissait chez ses parents, généralement, ou chez ses grands-parents. Elle est née aux 5 rues du Chemin de Fer. Ça ne s'invente pas, 5 rues du Chemin de Fer à Enghien, s'il vous plaît. Ses parents sont Antoine Bourgeois, qui est un journalier, qui est vraiment un très très très petit employé, il a 31 ans. Et puis Jeannette Debré, elle a 21 ans, elle a 10 ans de moins que son mari, elle est couturière. De son côté, elle a grandi à Oisem, près de Lille. On est vraiment dans les milieux les plus modestes qu'on puisse imaginer. Il donne naissance donc à un premier enfant qui s'appelle Prosper Henri, en 73. En 74, il s'installe à Enghien-les-Bains pour essayer de trouver un travail un petit peu régulier. On est à Enghien, vous savez ce que c'est qu'Enghien, hein, cette ville de... C'est une ville d'eau, une ville de thermalisme, mais aussi de spectacles, de casinos, bientôt de courses hippiques, puisque l'hippodrome sera inauguré en 1879. Les parents de Jeannette leur ont trouvé un petit logement à louer, nous dit Martin Penet, au numéro 5 de la rue du Chemin de Fer, donc dans une maison de 2 étages, une construction mansardée typique du 19e siècle, plutôt mignonne. La porte cochère est encadrée par 2 boutiques. Derrière la porte, restée grande ouverte, un escalier dessert 4 appartements. Et pour ce qui est de l'espace, il ne faut pas être trop exigeant. Chaque appartement comporte 2 pièces exiguës. On a un peu l'impression déjà d'un décor pour une opérette. On est dans l'esprit de cette époque. C'est-à-dire que c'est la pauvreté, disons. C'est pas tout à fait la misère. Et néanmoins, ça n'est pas le malheur. Il faut bien faire, quand on parle de cette époque, la distinction entre les deux. Le 19 juin 1875, Jeannette ne sait plus trop où donner de la tête entre ses deux enfants et son travail. Et là, c'est le drame. Prosper échappe à sa vigilance. Il parvient à descendre les deux étages. Vous imaginez, le petit bout de bonhomme, il a 2 ans et demi tout juste. Et là, il arrive dans la rue et bah oui, c'est un bébé. Hein. Il se fait renverser par une voiture à cheval et il meurt sur le coup. Vous imaginez bien que pour Jeanne, ça va être un drame terrible. Hein, toute sa jeunesse va être marquée par, au moins plus, peut-être même par le souvenir et la répétition du drame dans la famille que par l'événement lui-même. La famille déménage dans la commune voisine de Soisy-sous-Montmorency et les parents travaillent maintenant dans une sorte d'atelier où on refait les matelas. Vous savez qu'à l'époque, on ne jetait rien, hein, on refaisait les choses, bien entendu. C'est l'enfance qui a forgé son personnage, dit son biographe. Une enfance à la fois banale et hors du commun, une enfance tiraillée entre la campagne et Paris, entre l'éducation pas toujours stricte de ses parents modestes et le faste de la haute société d'Enghien. Et oui, elle est au contact de ces gens riches qui viennent s'encanailler à Enghien, entre l'envie d'être sage et celle de désobéir. Devinez laquelle va l'emporter. À 3 ans déjà, à 4 ans plus encore, Jeanne adore se déguiser. Elle est élève des Sœurs de la Providence. Elle se fait apprécier pour ses talents d'actrice, de conteuse, pas pour ses bulletins de notes, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Un petit frère aîné, qu'on appelle Prosper, comme par hasard. Vous voyez, un peu comme tout ça est sain, au passage. C'est un garçon manqué, la petite Jeanne, avec un instinct de meneuse, si je puis dire. Ce qui la distingue des enfants de son âge, c'est son souci de faire les choses sérieusement, y compris les bêtises. Chaque idée farfelue doit être mise en pratique, testée, immédiatement jugée, nous dit Martin Penet. Elle est fascinée par le petit cirque qui s'installe près de chez elle tous les jeudis. Et à 10 ans, elle monte avec ses amis une représentation du Médecin malgré lui. Figurez-vous, dans l'atelier des parents, elle n'a qu'une envie, c'est de devenir elle-même comédienne. Elle rêve aussi d'avoir un piano. Seulement, vous imaginez bien qu'on peut pas avoir de piano chez ses parents. Mais elle s'invite chez une voisine, une petite amie qui en a un. Elle est déterminée. Elle fait tout pour convaincre ses parents de la laisser entamer une véritable carrière d'artiste. Quand je dis qu'elle fait tout, elle va jusqu'à la crise de nerfs, jusqu'à la grève de la faim. Enfin, vous voyez, c'est un fort tempérament. Ça crie souvent et ça claque des portes, le peu de portes qu'on a dans la famille. Pour ses 12 ans, ses parents lui offrent un violon. Ils l'inscrivent au cours de solfège de Monsieur Boussagol, qui est un professeur très réputé, quand même, voyez. Et 2 ou 3 fois par semaine, elle prend le train donc jusqu'à la gare du Nord avec 2 camarades, Jacqueline et Marguerite, pour se rendre au cours. Les cours sont dans un très beau studio de musique de la rue de la Galerie Vivienne, s'il vous plaît. Elle adore ça, la petite Jeanne. Elle aime le luxe, elle aime les beaux endroits, elle aime les bois précieux. Elle est née pour ça d'une certaine manière. Le solfège, en revanche, ça l'ennuie. Rien de tel pour casser un rêve que le solfège et les grincements d'un violon dont on joue mal, dira-t-elle plus tard. Il faut dire que M. Boussagol ne fait pas que lui enseigner le violon, il lui enseigne aussi le chant. Et là, elle se révèle douée, même si sa voix n'est pas très étoffée. Avec ses camarades, elle ne manque pas une occasion de traîner, de rire, d'aller chanter sous les arbres des Tuileries et du Palais Royal, d'ailleurs plus probablement. La musique ne lui plaît pas particulièrement. Elle rêve de Kafkons, elle rêve de musicals. Bah, c'est la grande époque, bien entendu, hein, de temps en temps. Elle voit comment ça se passe au casino d'Enghien, d'autant plus qu'elle vend des boutonnières. Vous savez, c'était l'époque où les messieurs comme les dames portaient des espèces de petits bouquets qu'on faisait avec des fils de fer et qu'on mettait à sa boutonnière. Ça devait être absolument magnifique. D'ailleurs, elle les vend très cher, hein, d'ailleurs, ces petites boutonnières. Ça lui permet, elle, de faire des petites économies. Elle va découvrir les cours gratuits Roche pour essayer de devenir artiste. Hein, toujours, on est là tout près de la place de Clichy. Alors, elle s'essaie dans le genre tragique, comique, ça lui va mieux. Le chant, le musical, elle participe à des spectacles organisés. Bref, vous aurez compris qu'elle a ça dans le sang. Elle est née pour être artiste. Dans le faubourg Saint-Denis, je suis comme la miss du vrai gosse de Paris. Ces refrains, tendres et moqueurs, c'est toute ma vie et je les connais par cœur. Dans la pluie et le vent, j'ai chanté souvent, moi j'en ai marre. Quand j'avais pas le rond et que les bons gueuletons se faisaient rares. Mais dans ma détresse, sans cesse, je pensais qu'une vie nouvelle, plus belle, s'amenait. Or un beau jour, Black Lamour fit battre mon cœur dans un petit bal près des Halles, j'ai connu le bonheur. Je danse la java avec un beau gars à qui je dis bientôt. J'aime ta casquette, tes deux roues plaquettes et ton doux mégot, tous les deux en douceur. C'est vrai, un extrait du spectacle Miss Tinguette, reine des années folles au Casino de Paris actuellement. C'est Miss Tinguette. C'est Miss Tinguette elle-même en fait. Hein, mais voilà. Oui, c'est bien ce que je me dis aussi. Et il y a bien le spectacle au Casino de Paris dont nous avons Exactement. Parlé tout à l'heure. On va en entendre un extrait tout à l'heure. Et oui. Dans un court instant sur Europe 1, nous continuons justement à découvrir la jeunesse de Miss Tinguette avec vous, Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, à l'enfance au tout début hein, de Miss Tinguette. Oui, alors il faut vous dire qu'à l'époque, elle ressemble un petit peu, elle a 14-15 ans, hein, elle ressemble à l'héroïne de la dernière opérette en vogue, Miss Elliott, et d'ailleurs c'est le nom qu'on lui donne. Vous imaginez la silhouette pittoresque, elle fait tout pour se faire remarquer, elle est totalement excentrique, faut bien dire, et elle devient la mascotte des lycéens qui fréquentent l'école commerciale de l'avenue Trudaine. Ils forment une espèce de cour bruyant qui la suit partout, qui la raccompagne jusqu'à la guerre du Nord. Tout le monde crie « Miss Elliott, Miss Elliott », vous imaginez. Il lui offre en cours de route 100 petits trucs qu'ils ont chapardés aux étalages, nous dit Martin Penney. Des fleurs, des jouets, des plumiers, des sacs à main qu'elle accepte sans vergogne, fière d'être ainsi fêtée. Et sur lequel le cortège produit son effet, du chef de gare au mécanicien, tous les spectateurs sont hilares. Ça, c'est assez extraordinaire de voir cette espèce d'incroyable capacité que peut avoir Miss Tinguette à entraîner comme ça dans son sillage les hommes, disons-le. Et ça fait rire tout le monde, c'est vrai. Elle a ce don, hein, ce qu'on appelle la vis comica, hein, tout simplement. Physiquement, nous raconte Jacques Pessis avec Jacques Crépineau dans un ouvrage qu'on ne trouve plus aujourd'hui, c'est un collector. Physiquement, elle ressemble alors à Miss Elliott, l'héroïne d'une opérette alors à la mode, c'est ce que je vous disais. Ainsi adopte-t-elle tout naturellement ce pseudonyme, faisant sourire entre autres l'un de ses compagnons de tortillard, Joseph Ridoux, dit Saint-Marcel. Cet auteur de revue finit par prendre l'adolescente en sympathie et lui prodigue quelques conseils. Un jour, il lui fait entendre en avant-première « La Vertinguette », des couplets de son prochain spectacle. Quelques instants plus tard, par association d'idées, il lui suggère de changer « Miss Elliott » en « Miss Tinguette », qui va devenir « Miss Tinguette » en un seul mot mais avec un « e » à la fin, avant de trouver sa forme définitive avec « Miss Tinguette e de t ». Ça, c'est comme ça qu'elle est restée célèbre, bien entendu, mais ce sera plus tard. Elle fait la tournée des cafés artistiques pour décrocher des cachets, le café de la presse, le café des cadrans, la brasserie Rhénan, la brasserie des martyrs. Depuis 1840, le café concert connaît un énorme succès à Paris, l'hiver dans les cafés, mais l'arrivée des beaux jours, la voix changeait de scène d'une certaine manière. Là, elle est partout dans les rues, etc. Et c'est Saint-Marcel, toujours notre bonhomme, là, qui lui obtient son premier contrat. Elle va faire le lever de rideau du Casino de Paris. Vous parliez de ce spectacle, justement, Céline, ça se passe au Casino de Paris. C'est-à-dire qu'on est sur les lieux historiques des débuts même de Miss Tinguette, pas seulement de ses débuts d'ailleurs. Elle fait le lever de rideau avec une chanson qui paraît écrite pour elle, La Môme du Casino. Le lever de rideau, vous savez, c'est la partie la moins prestigieuse d'un spectacle. C'est toujours un peu difficile. On appellera ça la vedette américaine plus tard. C'est un peu compliqué d'être... Il faut un petit peu réchauffer la salle, bien entendu. C'est compliqué. Eh bien, elle le fait parfaitement. Le directeur de la salle, Després, n'a pas hésité longtemps à l'engager. Avec sa petite taille, il faut dire qu'elle fait à peu près 1m65, hein, Miss Tinguette. Avec ses yeux bleus, avec ses cheveux satins, elle a un air espiègle qui plaît. En dépit de sa mince nature, nous dit Martin Penney, Miss Tinguette a suffisamment d'assurance et de coquetterie pour faire lever le torchon. Le 5 décembre 1893, elle interprète sa chanson pour la première fois. L'accueil du public, on peut pas dire qu'il soit enthousiaste. On n'est plus du tout comme avec les lycéens dans la rue, là. Mais quand même, on sent qu'elle en a sous le pied, si je puis dire. Elle va rester quelques mois au Casino de Paris, puis c'est le Trianon Concert, qui est une salle inaugurée par le même propriétaire en 1894, rue de Rochechouart. Elle chante là la revue Paris Trianon. Elle ne chante d'ailleurs qu'un titre. mais un titre qui chante chaque semaine. Et surtout, ça lui permet d'être là au milieu de ceux qui connaissent, de ceux qui savent. Elle l'écrira plus tard dans son, dans ses souvenirs. « J'observais leurs fautes, dit-elle en parlant des grands. Je me disais, moi je ne ferais pas comme ça. Quand on débute, on ne peut d'ailleurs rien faire de ce dont on a envie parce qu'on n'a pas la permission et que les grands vous épatent. » Le vrai travail, c'était la critique muette, dit-elle, des grands acteurs de l'époque. Il ne s'agissait ni d'imiter, ni d'admirer, mais de se nourrir. Voyez l'intelligence de cette femme qui d'ailleurs transparaît à chaque fois qu'elle a l'occasion de donner une interview, d'écrire quelques lignes sur, sous forme d'autographe ou sur un livre d'or. À chaque fois, vous, vous remarquez qu'il y a une étincelle particulière qui va bien au-delà de la fantaisie. À la fin de chaque représentation, et après avoir admiré donc ses aînés en plein travail, Miss Tinguette remonte dans son tortillard et bien sûr, elle rentre à Enghien. « Mon nom sur l'affiche était en tout petit, se souviendra-t-elle, aussi petit que celui de l'imprimeur, mais je me consolais en pensant que le mien était placé plus haut que le sien. Je touchais alors 100 sous, 100 sous ça fait 5 francs par jour, et 3 francs pour les matinées. Mais ça m'était égal, j'étais une artiste, je me flanquais du rouge, du vert, du fond de teint sur la figure, le programme mentionnait mon nom, et il y avait un public qui chaque jour, pendant quelques minutes tout de même, m'écoutait. » Il y a un tempérament, il y a un culot incroyable chez cette jeune femme qui va devenir la plus célèbre des gommeuses. Qu'est-ce que c'est qu'une gommeuse? Ben, c'est une jeune femme qui se fait remarquer justement par son excentricité. Les gommeurs ou les gommeuses, c'est la même chose version masculine. C'était un peu les excentriques, les dandies de l'époque d'une certaine manière. Pourquoi gommeuse? Ben, parce qu'on disait tout simplement qu'elle passait beaucoup de temps à se mettre de la pommade, à se gommer, comme on disait à l'époque. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages et vos questions via Twitter avec le hashtag ACDH ou sur le compte de Franck Ferrand, par mail sur europe1.fr ou encore sur la page Facebook de l'émission. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au début de la carrière de Miss Tinguette dans un tout petit instant sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Oui, c'est moi, me voilà, je me ramène. J'ai vu London, j'ai vu Turin, l'Autriche, Hongrie. Mais de Vienne, il fallait que je revienne. Car je ne peux pas, moi, je vous le dis, passer de Paris. Ce Paris qui pourtant vous chine tant et tant. On dit que j'aime les aigrettes, les plumes et les toilettes. Chantant mes rengaines, c'est vrai. Lorsque ça monte trop, moi je m'arrête. Et d'ailleurs, on n'est pas ici à l'opéra. On dit que j'ai le nez en trompette, mais je serais pas Miss Tinguette si j'étais pas comme ça. Interprété par Carmen Maria Vega, un extrait, on y vient du spectacle. Alors là, c'est le spectacle, oui. Oui, Miss Tinguette, reine des années folles, au Casino de Paris actuellement. Et nous revenons, oui, allez-y. On va en reparler hein, de ce spectacle, bien entendu, Jacques Pessis. Bonjour Jacques Pessis. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Quand on parle de Miss Tinguette, on est toujours plein d'énergie. On va en reparler dans un instant. Ça a été pour vous un très grand projet qui a enfin vu le jour. Et ça, c'est magnifique. On y vient. Pour le moment, j'étais en train, effectivement, de vous raconter la jeunesse de Miss Tinguette. Alors, vous savez, quand elle était sur la scène du Trianon, là, elle a été remarquée, bien entendu, c'est toujours comme ça. Il y a des directeurs de salles qui viennent, qui assistent et qui sont éblouis littéralement par la nature de la bonne femme. C'est ça surtout qui... Elle a ce qu'on appelle une nature, hein, c'est-à-dire une espèce de tempérament incroyable. Et c'est comme ça qu'elle va donc entrer à la Gaîté Rochechouart. Alors là, elle joue un drôle de rôle, il faut bien le dire. La revue s'appelle E.A. déjà, vous voyez le genre. On est en plein dans la belle époque, hein, 1896, vous voyez la grande époque entre nous. Et avec un point d'exclamation, A avec un point d'exclamation. Et elle joue, tenez-vous bien, le siphon d'Asnières. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un des égouts les plus importants de la capitale qui vient juste d'être construit. On vient de l'inaugurer et alors elle est habillée, elle a des bas verts, un maillot vert, des cheveux verts, ça lui plaît pas du tout, hein, inutile de vous dire. des droits d'odeur, dira-t-elle. C'est vrai que c'est pas très valorisant comme. Mais il faut tout faire dans un apprentissage, n'est-ce pas? Donc, elle va avoir d'ailleurs à la suite de ça, je sais pas s'il y a un rapport, il y a un petit passage à vide. Elle va jouer à Rouen. On la voit également dans une brasserie de la rue des Martyrs. Et puis à la fin de l'année, le directeur de la Cigale à Paris décide de monter sa revue qui s'appelle Voyons mon ange, de la monter à Lyon. Alors il envoie Mistinguette à Lyon avec la promesse d'un beau rôle à la Cigale dès qu'elle rentrera. Elle va jouer trois rôles, la présidente, la cocotte, la première demi-vierge, ça s'invente pas. C'est un immense succès et ce qui est drôle, c'est que quand elle arrive à Lyon, on la présente déjà comme une vedette de la scène parisienne. Évidemment, ça fait partie de la publicité, mais ça aide ça pour asseoir une personnalité, bien entendu. Elle reste là-bas jusqu'au printemps et puis elle rentre à Paris. Le Paris de l'époque, c'est le Paris qui est en train de se préparer pour la fameuse exposition universelle de 1900. C'est un chantier partout, hein, les Champs-Élysées, le Champ de Mars, les berges de la Seine, tout ça est complètement sans dessus-dessous. Il y a une espèce de frénésie dans la ville. On a bien le sentiment d'être dans la capitale, dans la fameuse ville lumière, hein, dans la capitale des divertissements de la planète entière. C'est un véritable engouement. Comment est-ce qu'on pourrait dire? Il y a une sorte de ferveur, oui, de dynamique qui s'empare de la population. Alors, elle va jouer dans la revue d'été à Pudeur. On est toujours dans le même registre. Il n'y reste pas plus de 15 jours. Puisqu'on vient à ce moment-là la chercher pour venir chanter à l'Eldorado, boulevard de Strasbourg, un des Kafkons les plus célèbres, les plus fréquentés. Cette fois, si vous m'en croyez, la carrière de Mistinguette est lancée. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. C'est Mistinguette qui est au cœur de l'histoire cet après-midi. Et pour en parler avec vous, Franck Ferrand, il y a Jacques Pessier avec nous dans ce studio, journaliste, écrivain, co-auteur du livret du spectacle Mistinguette, reine des années folles au Casino de Paris depuis le 18 septembre dernier. Oui, le spectacle qui est en train d'enflammer le Casino de Paris. Et où, me disiez-vous, Jacques Pessier, vous avez de très jeunes spectateurs, hein. On a les grands-parents et les petits-enfants. C'est-à-dire que je vois des enfants de 9-10 ans dans la salle chanter « C'est vrai mon homme » ou les chansons originales ça, du spectacle. C'est formidable, et presque 100 ans plus tard. Et ils découvrent ça avec joie, ils dansent dans la salle et je veux dire que c'est très émouvant. Alors j'entrais, nous dit-elle, de l'Eldorado où nous l'avions tout à l'heure laissé un peu vite. J'entrais comme gommeuse et j'en sortis prête à devenir vedette. Il se passa peu de choses en apparence, dit avec cette finesse qu'on a appris à découvrir chez elle, Mistinguette. Il se passa peu de choses en apparence. Pourtant, le reste découle de ce long stage. J'appris à être fidèle à moi-même. C'est ça peut-être le secret de tous les grands artistes. Car je commençais à savoir qui j'étais. Mes ambitions cessaient d'être théoriques. Le rêve venait à ma rencontre. Le cloué à l'existence n'alla pas sans difficulté ni amertume. D'où mes violences, d'où mes impatiences. Arriver à clouer le rêve à l'existence. Voilà ce qui est difficile pour Mistinguette. Pourquoi, dit-elle, mes impatiences? Elle était connue pour un mauvais caractère. Elle avait un caractère, elle travaillait tout le temps. Donc un caractère épouvantable quand il y avait la moindre erreur. S'il y avait une paire de chaussures mal cirées, elle rentrait dans une colère épouvantable. Elle travaillait 35 heures par jour, en permanence, et demandait le maximum à ses girls en disant une revue, c'est une brigade de girls, il faut être précis. Elle faisait la revue des godillots, c'est-à-dire surveiller chaque paire de chaussures de chaque danseuse pour savoir si elle était parfaitement cirée. Le mot gommeuse revient en permanence lorsqu'on parle de sa jeunesse, de ses débuts. On l'a surnommée d'ailleurs la gommeuse épileptique. C'est-à-dire qu'elle se dandinait sur le trou du souffleur avec des gestes qu'on imagine aujourd'hui qu'on traiterait un peu d'érotiques. Et ça faisait rire les gens car elle voulait au départ faire rire les gens. Elle voulait être comédienne. La revue est arrivée un peu par hasard puisqu'un jour elle a débuté au Moulin Rouge dans la valse chaloupée avec un danseur qui s'appelait Max Derli. Et cette valse chaloupée sur un air d'Offenbach, Les Papillons, est célèbre parce que Vandongen en a fait un tableau. Un tableau d'ailleurs où elle est seins nus, alors qu'en fait elle n'avait pas les seins nus. Ce qui a entraîné sa carrière aux Folies Bergères, où elle a rencontré Maurice Chevalier, et entraîné ensuite son grand triomphe au début des années folles au Casino de Paris. Mais ce qu'il y a d'un peu étrange, et ça c'est le propre des grands destins, c'est qu'on a l'impression que cette gommeuse, cette jeune femme excentrique dont les talents sont un peu cachés pour le départ, n'en devient pas moins une sorte de classique. Elle devient un monument de la scène, et ce en peu de temps qui plus est. Oui, mais il faut dire d'abord, bon, elle chantait moyennement, elle dansait les trois pas, elle est toujours les mêmes. Elle avait les plus belles jambes de Paris, disait-on. Oui, c'est une légende, mais c'était la reine du marketing avant la lettre. Aujourd'hui, elle serait la une de tous les journaux People sans le moindre problème, avec une nouvelle histoire d'amour totalement inventée. Mais elle avait ce côté plus qui travaillait, cet instinct du spectacle, ce qui fait qu'elle a surclassé tout le monde. Et elle avait l'œil de la bonne chanson, l'œil de la bonne danseuse et l'œil du bon sketch. Ah oui, ça, elle avait l'œil, elle avait le travail, je crois que c'est important. Elle ne pensait qu'à ça, elle n'a vécu que pour le spectacle jusqu'à la fin de sa vie. Et l'envie absolument d'être remarqué, de réussir. Bon, bref, tous les ingrédients qui font tout simplement une très grande carrière. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas seulement chanteuse et danseuse, elle se veut comédienne et on la voit sur des scènes de théâtre, au sens classique du mot, jouant des pièces qui vont devenir classiques. Je pense évidemment à la célèbre Môme Crevette de la Dame de chez Maxim's, de Feydeau. Qu'elle joue à Bruxelles devant Georges Feydeau d'ailleurs, qui va ouvrir les voies du théâtre. Elle va aussi tourner pour le cinéma muet. Et à l'époque, ce sont des films par épisode qu'on va voir le samedi soir. Et elle tourne Les Misérables en quatre parties. Elle est la première comédienne française à tourner dans la première version des Misérables. Est-ce que cette carrière a été une carrière sans éclipse? Est-ce qu'on peut dire ça, Jacques Pessis? À partir de 1910, au moment où elle débute aux Folies Bergères jusqu'à la fin de sa vie, il n'y a pas d'éclipse. Il y a d'une évolution. Ouais, on l'a quittée, nous, en 98, oui, donc il y a encore 12 années à combler. Oui, mais elle a fait du cinéma muet et du théâtre. Et voilà. Après, elle a débuté au musical et à la revue. Et là, elle est devenue la reine de la revue parce qu'elle a compris qu'il y avait quelque chose à faire d'exceptionnel. Elle a travaillé, elle a compris que les plumes, les aigrettes et faire rire le public et le toucher avec des chansons, ça marchait. En fait, il y a deux très grands types de spectacles qui ont un petit peu disparu de l'affiche aujourd'hui. Il y avait la pantomime, ça c'était les grands spectacles populaires avec des moyens considérables, on mettait des décors, enfin, c'était l'équivalent du cinéma à très grands spectacles d'aujourd'hui. Bon. Et puis, il y avait la revue. Alors, il y a encore des revues dans les grands cabarets parisiens aujourd'hui, mais qui n'ont plus du tout l'importance artistique et mondaine qu'elle pouvait avoir à l'époque. La revue, c'était le grand spectacle parisien. On venait du monde entier pour assister aux belles revues. Paris était la ville lumière. D'abord, il y avait 70 personnes sur scène. Il n'y avait pas les charges sociales d'aujourd'hui. Les musiciens étaient dans la fosse. Et c'était possible. Et les revues duraient 3-4 mois et étaient affichées complètes tous les soirs. Et en toute immodestie, ce qu'on a fait au Casino de Paris, c'est un spectacle musical, ce n'est pas une revue, mais une histoire. Et ça s'inspire de ça. Mais oui, parce qu'il y avait à l'époque une histoire. Et aujourd'hui, depuis les années 60, il n'y a plus tellement d'histoires dans les grands musicals et sur les grandes scènes. Et c'est ce qu'on essaye de faire chaque soir au Casino de Paris. Ce qui donne un fil conducteur, ce qui permet de suivre les choses. Les enfants viennent en disant, on ne savait pas que le spectacle c'était ça, qu'il y avait une histoire. Alors, vous me dites, la première revue qu'elle dirige, c'est 1910 ? 1910, aux Folies Bergères, elle est engagée. On lui présente un jeune homme qu'elle a croisé quelques années auparavant, Maurice Chevalier. Et elle tombe amoureuse de lui et réciproquement. Et ils font une scène dans un tapis. Il est plus jeune qu'elle, non ? Il a 12 ans de moins qu'elle. Oui, c'est ça. Mais ça va être le grand amour de sa vie. Et ils se mettent dans un tapis enroulé et le premier baiser est échangé à l'intérieur du tapis. Et le metteur en scène qui n'a rien vu aux répétitions dit « Faudra couper la scène, c'est un peu trop long. » Et il va y avoir 10 ans d'amour qui vont se terminer parce qu'ils sont tous les deux vedettes. Elle a tout appris à Maurice Chevalier. Elle a appris à marcher, à danser, à porter le smoking. Et ils vont se séparer parce qu'un jour ou l'autre, il faut un des deux en tête d'affiche. En même temps, on le voyait dans l'émission d'hier soir sur France 3, à laquelle vous participiez, Jacques Pessis. On voit un moment Maurice Chevalier en train de chanter pour les troupes qui sont sur le front au tout début de la guerre de la Seconde Guerre mondiale. Et on a l'impression qu'il est monté sur ressort comme ça. Et je me suis dit, oh là là, c'est une drôle de façon de bouger quand même. C'était la mode à l'époque et Mistinguett lui avait appris justement à bouger. Et c'est comme ça qu'il est allé en Angleterre et ensuite qu'il est devenu star aux États-Unis parce qu'il y avait un charme différent et une façon de danser différente. Elle avait le feu sacré. Hein. Elle appuyait chaque mot dans les interprétations qu'elle donnait. Elle faisait des gestes, elle mimait les chansons. Enfin, on a envie de dire que toute cette espèce de tout ce déploiement d'énergie comptait presque autant que la chanson elle-même, en vérité. Beaucoup plus que la même chanson. Même plus, oui. C'est ça. Elle faisait ce qu'elle voulait sur scène. Elle avait donc le sens du marketing. Elle trouvait une marque qui lui donnait un peu d'argent. C'est ce qu'elle appelait ses pépettes. Parce qu'elle disait « Chez moi, ça rentre, mais ça sort pas ». Et elle faisait 20 minutes sur cette marque dans le spectacle et personne ne trouvait rien à redire, c'était normal. Alors, jusqu'alors, elle est encore une jeune femme, etc. Mais seulement les années passent, et elle reste toujours la même, immarcessible, absolument inchangée. On parle beaucoup des gambettes de Mistinguett, bien entendu, qui vont devenir un véritable mythe mondial. On vient à tout ça en votre compagnie, Jacques Pessis, dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Mistinguette, avec votre invité Jacques Pessis, journaliste, écrivain, co-auteur du livret du spectacle Mistinguette, Reine des années folles, au Casino de Paris, en ce moment et depuis le 18 septembre dernier. Un spectacle qui est prolongé jusqu'au 18 janvier 2015, ce qui nous promet de belles fêtes au Casino de Paris. Vous y êtes tous les jours, vous, Jacques Pessis. Oui, absolument. C'est un tel bonheur de voir ce spectacle et de voir la réaction du public debout à la fin de chaque spectacle que je ne peux pas manquer ça. Oui, vous avez l'impression, là, vous qui adorez tant le musical, que là, le musical est de retour à Paris, hein, c'est je ça? Je pense. C'est-à-dire que quand on a eu l'idée de ce spectacle, quand j'ai eu l'idée, voici 10 ans, quand je l'ai proposé à Albert Cohen, on a mis 10 ans pour le monter, les spectacles, c'était des concerts avec quelques phrases. Et là, on a vraiment travaillé avec François Chouquet pour écrire une histoire qui s'inspire de la vérité. C'est-à-dire qu'en 1918, le Casino de Paris est racheté par un ancien vendeur de programmes, Léon Volterra, et avec Jacques Charles, qui est le roi des metteurs en scène, ils décident de monter une revue. Et ils engagent Mistinguette. Et c'est dans cette revue que va être créé l'escalier de lumière, qui est une échelle de 10 alors personnes. Alors oui, ce fameux escalier du Casino de Paris. Exactement. C'est elle qui a dit « l'ai-je bien descendu ?» Non, c'est Cécile Sorel qui était sa grande rivale. Elle se traitait de vieille réciproquement, elle se détestait. Parce qu'il était dur à descendre, l'escalier en question était raide. Hein. Lynn Renault l'a descendu d'ailleurs sur les conseils de Josephine Baker, qui avait elle-même appris de Mistinguette comment on faisait. Formidable. C'était un escalier minuscule. Ouais. Et cet escalier, on l'a reconstitué d'ailleurs au Casino de Paris, il est devenu tellement symbolique que dans le monde entier aujourd'hui, les revues et les spectacles se terminent par ce grand escalier. C'est vrai, hein, c'est devenu le symbole d'une revue finalement. Il faut des grandes plumes et un escalier, un grand escalier qui fasse songer à celui du Casino de Paris. Comment avez-vous choisi Carmen Maria Vega pour interpréter Mistinguette? Écoutez, on a vu plusieurs dizaines de filles dans Paris et on a pensé un jour à Carmen Maria Vega qui avait fait une chanson lamenteuse et c'est devenu évident. D'abord, physiquement, elle ressemble à Mistinguette. Elle a une énergie totalement surréaliste. Elle chante, elle danse pendant 3 heures et elle mène la troupe. Parce que nous avons une troupe de 35 personnes autour de nous, avec des chanteurs, des danseurs. Et il faut y aller sans arrêt. Le samedi, il joue 2 fois 3 heures, ce qui est un certain travail. Mais on sent qu'elle aime ça et qu'elle est passionnée. Et quand elle entonne « Mon homme », on pourrait s'y croire. En oui, d'autant plus que dans le spectacle, on raconte comment cette chanson a été créée. Chanson à laquelle écrite par Albert Villemette et Jacques Charles, à laquelle personne ne croyait et qui a fait le tour du monde. Elle était très célèbre, Mistinguette, hein, dans les années 1930. Elle est devenue en quelque sorte un peu l'équivalent féminin de ce qu'était Sacha Guitry. C'est la reine de Paris, d'une certaine manière. C'était la reine de Paris. C'était aussi la reine de Paris dans le monde entier. Elle allait régulièrement à New York faire des tournées. Les Ziegfeld ont copié les premières revues de Mistinguette aux Folies Bergères, puis au Moulin Rouge, pour s'inspirer des premières revues de Broadway. Donc elle est à l'origine des premières revues de Broadway. Et à chaque fois, elle partait en disant « je vais aux États-Unis pour me marier », ce qui était faux. Elle a fait combien de tournées là-bas ? Elle a fait quelques tournées, 5-6 tournées, ouais. Mais surtout, elle venait à chaque fois chanter « My Man », qui était mon homme et qui était un tube extraordinaire. Les Américains sont bon public pour ce genre de très grandes vedettes, évidemment. Alors, nous avons parlé de Maurice Chevalier. Il y a une autre figure, un autre partenaire qui va faire parler de lui bientôt, c'est Jean Gabin. Oui, car elle remarque Jean Gabin un jour dans une audition au Moulin Rouge en 1929. Il est alors chanteur et il chante comme Maurice Chevalier. Et comme elle a rompu avec lui et qu'elle est toujours amoureuse, elle le fait engager. Et pire que tout, elle qui est si radine, elle parvient à le faire augmenter par le directeur du Moulin Rouge. Et avec Jean Gabin, elle va créer une chanson qui s'appelle « La Java de Doudoune ». Ils vont être en scène pendant 6 mois. Et ensuite, Jean Gabin va tourner un film et devenir la vedette que l'on connaît. Est-ce que Jean Gabin, d'une certaine manière, a appris quelque chose aux côtés de Mistinguette ? Je pense qu'elle lui a beaucoup appris à travailler l'énergie, car il était déjà chanteur et danseur dans les revues, mais elle lui a donné une rigueur, car avec Mistinguette, c'était la rigueur que personne n'avait. Il y a toujours cette idée de travail hein, avec elle. Elle est toujours dans cette espèce de volonté de perfectionner les choses, d'aller au bout de quelque chose. C'est très américain finalement comme démarche. Mais je pense que Mistinguette aurait fait une carrière extraordinaire aux États-Unis si elle avait été américaine. C'est à la fois Madonna et Lady Gaga réunies, Mistinguette. Alors, on a parlé du Casino de Paris, elle se produit aussi au Moulin Rouge, il faut le dire, on a des affiches d'ailleurs extraordinaires, parce qu'autour du spectacle lui-même et de la figure de Mistinguette, il y a toutes les revues, alors là je parle des illustrés, comme on disait à l'époque, il y a les photos qui se vendent dans la rue, il y a les partitions avec le nom et la signature de Mistinguette, et puis ces affiches extraordinaires qui nous font rêver encore aujourd'hui. Et qui correspondent aux années folles, mais elle était tellement célèbre quand elle se déplaçait dans la rue, il y avait des émeutes. Un jour, son frère devient le Père Lagalette. Vous savez, ces petites galettes bretonnes. C'est son frère qui les a importées à Paris, qui a ouvert la première boutique du Père Lagalette. Elle a inauguré la boutique. Ça a été une émeute sur les grands boulevards pendant toute une journée. Vous nous disiez que Cécile Sorel a été sa grande rivale. Il y en a eu plusieurs. C'est-à-dire que quand on a un ego de cette dimension-là, à peu près de la taille des plumes qu'elle portait sur la tête, évidemment, il n'est pas question de laisser la place à quiconque. Et celle qui l'a appris à ses dépens, c'est Viviane Romance, en l'occurrence. Ah oui, il y avait aussi Joséphine Baker, ah, qui oui, était aussi, un peu sa rivale. Sûr, oui. D'ailleurs, Trenet disait à son propos, Miss Tinguette, Joséphine, c'est ta bête noire. Ah. Et Viviane Romance était une danseuse. Et un jour, elle regarde de trop près un fiancé. Miss Tinguette lui lance un regard assassin. Elle lui dit j'irai cracher sur ta tombe, grand-mère. Elles se battent et c'est comme ça que Viviane Romance, qui était grand-mère, elle lui. Oh, grand-mère, oui. Oh, je détestais ça, c'est pas ce qu'il faut dire à Miss Tinguette. Et elle l'a virée aussitôt. Et c'est comme ça que Viviane Romance a quitté le métier de danseuse pour devenir la grande comédienne qu'on connaît. Ah oui. Et on s'en est inspiré d'ailleurs pour une scène du spectacle. C'est parce qu'elle a compris qu'en fait il y aurait pas de place pour deux danseuses. Surtout une danseuse qui regardait son fiancé, car ça elle ne supportait c'était pas. C'était qui le fiancé en à question? L'époque c'était Earl Leslie, qui était un Anglais qui servait de paravent, d'esclave, mais qui était un homme charmant, qui buvait un petit peu trop et qu'elle a fini par jeter. Il y a, dans ces années 20 et 30, des spectacles à très grand, je disais tout à l'heure, avec des décors inouïs, avec un nombre de costumes qu'on change constamment, etc. Et les plus grands ne rechignent pas à devenir les auteurs de livrets, à composer des musiques pour ces spectacles, etc. C'est considéré quasiment, on peut dire, comme un art noble. Mais bien sûr, et jusqu'aux années 60, jusqu'à la Polka des Lampions par Marcel Achard et le Monsieur Carnaval où Aznavour a écrit les chansons, considérait justement le spectacle musical, c'est même pas de l'art vu, comme un art noble. Et aujourd'hui, je pense que ça revient, qu'il retrouve ses lettres de noblesse en France et à l'étranger. Elle sait faire parler d'elle. Vous nous disiez tout à l'heure qu'elle a un sens du marketing d'une certaine manière. Oui. Et il y a toujours un fiancé qui traîne. Et un jour à Deauville, elle va annoncer ses fiançailles avec Mayol, le Michou de l'époque. Oui, ça paraît peu crédible, évidemment. C'est pas du tout crédible, mais pour les journalistes, ça marche. Elle se fait offrir des bijoux. Et la presse vient et ça lance son spectacle. Alors d'ailleurs, j'ai vu ça dans votre livre. Là, on voit la caricature qui a été faite avec le cortège de noces de Miss Tinguette et Mayol. Il y a tout le monde là-dedans, jusqu'à Clémenceau d'ailleurs. Ça fait partie, bien entendu, du mythe. Cette femme a le sens de la légende. Elle sait comment devenir elle-même une légende. C'est d'autant plus remarquable qu'il n'y a pas eu tant d'exemples que ça avant elle. À la limite, si, il y a eu Sarah Bernhardt, mais dans un autre registre. Un autre registre, et en même temps, elle connaît les plus grands. C'est-à-dire que ce soit le prince de Galles ou que ce soit le roi Alphonse XIII, elle en fait des amis, sinon des amants. Elle est capable d'aller vers les plus grands quand elle veut obtenir quelque chose. Il y a une dimension mondaine dans cette carrière et dans cette femme. Il y avait à l'époque le bal des Quatre-Arts, le bal des Petits Liblans, enfin toutes ces très grandes solennités parisiennes en quelque sorte. On n'aurait jamais imaginé une belle et grande soirée sans la présence ou sans l'intervention à un moment ou à un autre de Miss Tinguette. Oui, sauf qu'elle venait, mais elle ajoutait la gouaille quelquefois en insultant les gens ou en se moquant d'eux. Et ça faisait rire dans ces soirées mondaines où tout le monde était coincé. On disait qu'elle était un peu radine. Alors attendez, Elle était franchement radine. Ah oui, franchement radine. Elle disait, chez moi, ça rentre, mais ça sort pas. Ah oui, c'est ça. Et quand elle invitait des ça, gens... C'était le souvenir de la pauvreté de son enfance, peut-être, non? Peut-être, mais et puis c'est une tradition de l'époque. C'est-à-dire que ça faisait partie, on gardait l'argent. Quand elle invitait trois personnes à déjeuner, elle appelait le premier en disant, j'ai pas pu acheter le hors-d'œuvre. Le second, j'ai pas pu acheter la viande. Et le troisième, j'ai pas pu acheter le dessert. Donc tout le monde amenait le déjeuner. Ah oui, d'accord. C'était très organisé. Ah mais comme quoi il y a des points communs avec l'autre grande diva. C'est Gauthier qui nous dit sur Facebook, est-il vrai ce coup de l'argenterie qu'elle volait dans les restaurants? Alors elle arrive un jour chez le doyen, qui était à l'époque, les couverts étaient en vermeil et surveillés par le personnel. Et elle dit à sa secrétaire Fraisette, écoute, il y a un bouquet de fleurs. Tu prends les couverts et tu les mets dans le bouquet de fleurs. Et petit à petit, j'ai pas de cuillère, j'ai pas de fourchette. Elle emporte tout. Tout est dans le bouquet de fleurs. Mais à la fin, elle se lève pour partir. Elle oublie tout ça et prend le bouquet de fleurs à l'envers. Et tous les couverts sont tombés par terre. Elle est partie très digne sans rien dire. On a parlé d'un petit frère tout à l'heure. Paul. Donc, qu'est-il devenu, lui? Il a fait sa fortune en vendant des galettes. Et il a épousé... Des galettes bretonnes. Et il s'est fait des pépettes avec les galettes. Et il a épousé Fraisette, qui était la secrétaire de Miss Tinguette, une fan qui est devenue sa secrétaire. Comme ça, tout ça est resté dans la famille. Ah oui, donc il y a quand même un petit côté clanique un peu. Elle ne décroche jamais. Ça aussi, c'est le symbole d'un égo démesuré. Elle est là jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en même temps, elle est très seule parce que les fiancés après Chevalier, il n'y en a jamais eu. Il y en a eu, mais c'était pas ça. Elle ne s'est jamais remise de la mort du départ de Chevalier. Et elle va continuer à travailler jusqu'à 78 ans. À l'ABC, où elle danse encore. Elle... Ça veut dire que là, on est au-delà de la Seconde Guerre mondiale, là, mais dans les années 50. Mais hein. dans en 52-54, elle danse encore, elle meurt en 56, et elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle écrivait ses mémoires, elle n'imaginait pas un seul instant prendre sa retraite. Elle a tourné en 1936 un film qui s'appelle Rigole Bosch, elle a 62 ans, et dans ce film, elle a un enfant de 5 ans. Vous voyez, donc c'est quand même pas très crédible, mais pour le public, ça a marché. Oui, ça fait, parce qu'à la limite, elle était sans âge et ça faisait même partie. Alors là, pour le coup, ça faisait partie de sa légende. On dit que ses jambes étaient toujours aussi belles à la fin, bien entendu. Absolument, hein. Et elle les entretenait, elle faisait très attention à ce mythe. Avec ce goût pour les voitures de sport, pour enfin, il fallait que ça bouge, évidemment. Et dans les années folles, où la femme ne conduisait pas, elle était la première à conduire une voiture, la première à fumer une cigarette en public, c'était des événements. C'est-à-dire que la femme, c'était pas encore la parité, mais c'était les débuts de la liberté de la femme et le symbole dans les années folles de cette liberté. C'était Miss Tinguette. Je parlais tout à l'heure de Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt est encore aujourd'hui très présente dans les esprits. Elle fait partie, je dirais, du patrimoine national. Plus près de nous, une Édith Piaf, évidemment, est encore archi présente. On a l'impression que Miss Tinguette est un tout petit peu passée aux oubliettes. C'est vous qui êtes en train de la ressusciter en ce moment, Jacques Pessis. On parle d'une Miss Tinguette, c'est une expression populaire, mais on ne savait plus très bien qui c'était. Oui. En revanche, je constate que tous les âges connaissent ces chansons et que, je veux dire, grâce à ce spectacle, effectivement, on est en train de la découvrir ou de la redécouvrir. Et elle fait partie des classiques du XXe siècle, puisque je vois des Américains, des Japonais, des Coréens et des Russes. Ça veut dire qu'elle est connue. En dehors des frontières. À Londres et à New York, on connaît encore Miss Tinguette. J'ai vu l'autre jour des Américains qui sont venus voir le spectacle en disant « Mais nous, Miss Tinguette et Maurice Chevalier, c'est comme la Tour Eiffel, ce sont des symboles de Paris ville lumière. » Alors, le spectacle s'appelle « Miss Tinguette, reine des années folles ». Pour donner envie, s'il fallait encore, à nos auditeurs, parce qu'avec tout ce qu'on a dit, j'imagine qu'ils ont envie maintenant de voir le spectacle. Mais qu'est-ce qu'on voit sur la scène du Casino de Paris? On voit des chansons, des danses, une histoire. Et ça se termine sur le grand escalier avec les plumes. Et je vois le public qui fait « Ah !» Parce qu'on n'a pas vu de plumes et de grand escalier à Paris depuis une quarantaine d'années, depuis Line Renaud. Ah oui, évidemment. Et d'ailleurs, on peut saluer Line Renaud qui est dans la lignée directe. Vous nous avez parlé de Joséphine Baker, hein, donc il y a eu Miss Tinguette, Cécile Sorel, Joséphine Baker, Line Renaud, les grandes meneuses de revue. Elle est venue nous voir l'autre soir et elle a retrouvé le grand escalier avec un bonheur que vous imaginez. Évidemment. Je voulais citer l'ouvrage, je parlais tout à l'heure de Martin Penet et André Bernhardt qui ont écrit « La Miss, Miss Tinguette ou la légende du musical ». Quant à votre ouvrage à vous, les années Miss Tinguette, on ne le trouve plus aujourd'hui. Alors le meilleur moyen d'aller retrouver la Miss Tinguette de Jacques Pessis, c'est de se rendre au Casino de Paris, c'est jusqu'au 18 janvier, du jeudi au dimanche. Et on sera heureux de les accueillir. On va écouter sa voix quelques instants si vous voulez encore. Ça c'est, je précise bien, c'est la vraie Miss Tinguette que nous entendons maintenant. Non, non. On faisait une petite volotte après le dîner. Il me disait, moi ça me botte mieux que le ciné. Quand il gagnait la partie, il me disait des mots mignons. S'il perdait, quelle tragédie. Alors il me flanquait des nions. Moi je répondais, tu peux faire tout ce que tu veux, t'es mon homme. Sois méchant, sois nerveux, traîne-moi par les cheveux, t'es mon homme. Un jour malgré tout, lasse de recevoir des coups de mon homme. Sans rien dire, j'ai caleté, mes crayons de l'irriter en cachette. Je l'ai quitté, je n'avais plus rien. C'était Miss Tinguette sur Europe 1 et dans un court instant, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Patrick sur les origines du cirque itinérant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Patrick. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission et nous demande quelle est l'origine du cirque itinérant. Dans la plaine, les baladins s'éloignent au long des chemins. Vous savez, les saltimbanques ont longtemps été nomades, en tout cas depuis le haut Moyen-Âge. Il y a une grande tradition d'artistes ambulants. Le cirque tel que nous le connaissons, le cirque moderne, on a fait d'ailleurs plusieurs émissions ici pour raconter cette histoire du cirque. C'est une histoire relativement récente, ça date de la fin du XVIIIe siècle. C'est Philip Astley qui est le premier en Angleterre en 1768 va créer la première piste tout simplement avec un programme qui à l'époque comportait essentiellement des numéros équestres. En France, c'est Antonio Franconi qui reprend la direction de l'établissement d'Asly et un petit peu plus tard au 19e siècle, ce sera Louis de Jean qui va créer en 1852 le cirque d'été des Champs-Élysées. Et puis petit à petit, alors on va voir naître le cirque d'hiver, etc. Ça, ce sont des cirques fixes encore. Et puis, petit à petit, on va voir les cirques devenir ambulants avec ce qu'on appelait à l'époque plutôt les ménageries. C'est-à-dire que ce qu'on présentait, c'était des animaux sauvages. Et la grande famille qui va faire ça en Europe, la première, ce seront les bouglionnes, bien entendu, qui vont avoir le premier cirque ambulant, un des premiers cirques ambulants en Europe. Aux États-Unis, vous savez très bien que c'est évidemment Barnum qui va créer cette espèce de grand cirque itinérant en 1871. On a raconté cette histoire ici même il y a quelques temps. Et là, c'était quasiment une ville entière hein, qui se déplaçait. Puisque nous parlons de cirque, j'en profite pour vous signaler qu'en ce moment, il suffit d'aller pelouse de Reuilly à Paris pour voir le cirque Arlette Grus, pour au cirque Phoenix assister au spectacle Cirque Africa, il y a également le cirque Pinder qui célèbre 160 ans s'il vous plaît, et puis on peut voir aussi le cirque Alexis Grus, ça vous savez, ça c'est plutôt au carrefour des Cascades, c'est dans le bois de Boulogne. Voilà, j'ai cité à peu près tous les cirques qu'on peut voir à Paris, mais il y en a plein à voir en France, bien entendu.